il en tira un baume à ras qu'il appliqua sur la blessure avant d'injecter un tonique cardiaque à l'agent de l'OMU, ce qui eut pour effet immédiat de lui redonner un peu de tonus. Avec une grimace de douleur, il constata « Un peu con de finir comme ça, n'est-ce pas ?»« Ne dis pas de sottises. Dans quelques heures, tu seras de nouveau sur pied. » Le ton du pilote manquait cependant un peu de conviction. Dans sa vie aventureuse, il avait vu mourir tant de compagnons qu'il avait aussitôt saisi la gravité de la blessure et il ne se faisait plus guère d'illusions sur le sort final de leur ami. Il n'avait jamais pu accepter cette fatalité, même sachant que cela pouvait arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il ne put soutenir les regards angoissés de l'antilan. Il détourna la tête, un peu honteux de son manque de courage. Mais, connaissant les liens étroits qui liaient l'humain et l'extraterrestre, il n'osait tout simplement pas lui confirmer que Sendorf était perdu. Dès la fin de l'escarmouche, Mazas s'était précipité vers ses compagnons, devançant les deux coriolanais et leur copilote. Elle se pencha sur le blessé, mais l'Arlun qui arrivait la repoussa avec une violence décuplée par sa peine avant de s'affaler près du corps ensanglanté. Le Terranien moribond et l'indigène réunirent leurs mains et se fixèrent les yeux dans les yeux. Au bout de quelques instants, Sendorf murmura « Fais tout ce que tu pourras afin qu'ils puissent quitter Coriolan et accomplir leur mission. Et prends bien garde à toi. » L'Arlun, l'air grave, approuva d'un hochement de tête. « Je te promets qu'ils arriveront à quitter notre monde. Mais après, je t'enverrai une foule d'ennemis pour t'accompagner dans le grand passage. » Le blessé secoua la tête avec un petit sourire crispé. Il fit signe à Mazas de s'approcher. La jeune femme s'agenouilla près de lui, tandis qu'il tentait de saisir quelque chose à sa ceinture. Comprenant ce qu'il cherchait, elle détacha le petit boîtier noir et le lui glissa dans la main. Il la remercia en inclinant Dieu et lui dit « Je crois que c'est le moment d'expédier les messages vers le monde de cristal. Et pendant qu'ils se précipiteront vers la base, ils seront un peu moins vigilants ailleurs. Et vous aurez plus de chances de passer entre les mailles de leur filet. » Un peu de mousse rosâtre apparut à la commissure de ses lèvres. « Tu as raison, mon ami. À toi l'honneur. » Le mourant crispa le poing sur la télécommande, puis appliqua son pouce sur le bouton rouge. Le regarda successivement tous ses compagnons, leur sourit brièvement et appuya, libérant l'impulsion de l'hyperonde. À présent, quoi qu'il arrive, Atlan sera au courant des menées de ces maudits antis, exprima-t-il l'air farouche. Comme Mazas approuvait d'un hochement de tête, Sendorf reprit « L'Arlun, Arx !» Les deux extraterrestres se rapprochèrent, saisissant chacun une de ses mains. « C'est le bout de la piste pour moi, les gars. J'aurais bien aimé poursuivre encore un peu en votre compagnie, mais les dieux ne l'ont pas voulu. Je vous aime tous les deux. » Son visage se crispa sous l'effet de la douleur, puis son étreinte se desserra, et sa tête retomba en arrière, les traits détendus. Arx poussa un hurlement de désespoir. Et avant que quiconque ait le temps d'intervenir, il bondit sur ses pseudopodes, brandissant un couteau. Deux éclairs scintillèrent au soleil couchant, et les deux prisonniers, la gorge tranchée, s'écroulèrent au sol, baignant les roches avoisinantes de leur flot de sang. « Non, Arx !» Mais l'interjection de Mazas arriva bien trop tard. « On aurait pu les interroger. » Commença Steve sur un ton de reproche, mais il se tut en voyant les yeux fulgurants de l'octopode. Mazas ferma les yeux de Sendorf en disant « Où que tu ailles, trouve la paix. » L'Arlun appuya longuement son front sur celui du mort avant de se redresser. « La nuit ne va pas tarder à tomber. Il est temps d'y aller. » Chapitre 7, quatrième partie.